entre les portes du paradis. Toi le seul Seigneur, tu vois ces hommes qui oublient que tu es Dieu de la vie. L'alliance est brisée, mais tu pardonnes. Toi le Dieu créateur, tu es béni. Tes enfants, alors tu lui dis, va construire l'arche, animaux, provisions, emporte-les. L'alliance est brisée, mais tu patientes, toi le Dieu créateur passionnément. Abraham, quelle promesse! Un pays loin d'ici rempli de miel. C'est un temps nouveau, une jeunesse. Tu seras si nombreux, ô Israël. L'alliance est brisée, mais tu répares. Toi le Dieu créateur qui vit au ciel. Tu es le Dieu de l'alliance. Dieu qui montre son amour. Amen, loué soit l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël. Toi Moïse, écoute, Dieu t'envoie. Va chez Pharaon, dis-lui qu'il est temps de mener le peuple vers la terre. Son amour. Amen. Loué soit l'Éternel.